Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le président américain Andrew Jackson. Et Andrew Jackson aura notamment marqué l'histoire pour son soutien à la déportation des Amérindiens à l'ouest du Mississippi, son soutien à l'esclavage et comme étant un politicien extrêmement populiste. Alexis de Tocqueville, dans son fameux voyage en Amérique, était à l'époque d'Andrew Jackson et il va le décrire comme un esclave de la majorité. L'auteur Philippe Bernier-Arcan, l'émission « Plus on est de fous, plus on lit » en octobre 2016. Esclave de la majorité, l'image est forte, elle en dit aussi beaucoup sur la conception qu'aura Andrew Jackson de la démocratie. Jackson sera en fait le président de la majorité blanche et le peuple dont il se réclame est celui de cette même majorité blanche. Pour les autres, noirs et amérindiens, Andrew Jackson sera sans pitié. He learned to fight in the Revolutionary War. He used what he'd learned to kill a man over a gambling debt. Il a appris à se battre lors de la guerre d'indépendance, mais il a aussi utilisé ses apprentissages pour tuer un homme en duel. Il a mené l'armée américaine à la victoire la plus surprenante de son histoire, mais il a aussi lancé une invasion illégale de la Floride. Il a ajouté de vastes terres au sud des États-Unis, mais c'était des terres qu'il avait arrachées brutalement aux Premières Nations. But it was land he brutally wrested from Native Americans. He was the champion of the common white man. Il était le champion des hommes blancs ordinaires, mais il possédait une centaine d'Afro-Américains. Il a fondé le Parti démocrate, mais ses ennemis l'ont accusé d'être un Napoléon américain. But his enemies accused him of being an American Napoleon. Il s'appelait Andrew Jackson. His name was Andrew Jackson. Extrait du documentaire Andrew Jackson, Good, Evil and the Presidency, diffusé à PBS en 2008. Pour nous parler de la présidence d'Andrew Jackson, je reçois Mylène Desautels, qui est professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx, dans la région de Montréal. Mylène Desautels, bonjour. Bonjour. Il continue aujourd'hui encore, Andrew Jackson, c'est fascinant, après autant d'années, d'alimenter le débat politique. C'est un des présidents qui divise le plus l'opinion publique américaine. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent. Pourquoi un tel clivage? Il était déjà clivant à l'époque. Hein? Donc, déjà au 19e siècle, c'était l'image qu'on avait de lui. Et ça va se perpétuer encore aujourd'hui. Il est un président qui est à la fois associé à la démocratie, mais quand on fouille un peu plus loin, on parle même des fois du Jacksonian Democracy, donc une époque d'élargissement de la démocratie. Mais aujourd'hui, quand on fouille plus loin, on se rend compte que c'est une démocratie réservée aux Blancs seulement. Ouais. Et ceux qui sont non-Blancs, les Noirs, les Amérindiens, sont pas seulement en dehors de la nation américaine, ils deviennent sous Jackson des ennemis de la nation américaine qu'il faut une combattre. Menace. Vraiment une menace. Et cette espèce de nationalisme blanc avec une mentalité d'assiégé, Jackson va beaucoup développer ça, va beaucoup utiliser ça aussi pour gagner en prestige, en pouvoir, en popularité auprès de la population. Et c'est un des exemples, quand on regarde l'histoire américaine, la façon dont on interprète cette présidence, ça a évolué, en fait. Parce que ce dont vous parliez, ce grand démocrate, cette Jacksonian Democracy, il y a, je sais pas moi, 50 ans, 70 ans, on voyait pas du tout du même œil cette présidence qu'aujourd'hui. Non, pas du tout. En fait, il y a des grandes biographies qui ont été écrites sur Jackson jusque dans les années 1950, où on mentionne même pas le fait qu'il était lui-même esclavagiste, et on mentionne à peine le Indian Removal Act, qui va être un phare de sa présidence, qui va donc évidemment nuire complètement au bien-être des Amérindiens aux États-Unis. Et aujourd'hui, les historiens refusent de voir ça comme des détails de sa présidence, et au contraire, la plupart des historiens vont replacer ça au centre de sa présidence. Ouais. Pour comprendre le personnage, il faut comprendre son attachement à l'esclavage et tout ce qu'il va faire pour étendre l'esclavage, et aussi son attitude par rapport aux Amérindiens et comment il les considère en dehors de la nation américaine. Ouais. Today I call attention to another anniversary, the 250th birthday of the very great Andrew Jackson. Aujourd'hui, j'aimerais souligner le 250e anniversaire de naissance du très grand Andrew Jackson. On this day in 1767, Andrew Jackson est né en 1767 au sein d'une famille pauvre des Carolines, avant d'évoluer comme chef militaire et de devenir le 7e président des États-Unis. First as a military leader and then as the 7th president of the United States. He did it with courage. Il l'a fait avec courage et patriotisme et il a été l'un de nos plus grands présidents. And by the way, he was one of our great presidents. Le président américain Donald Trump, le 15 mars 2017, jour du 250e anniversaire de naissance d'Andrew Jackson. Andrew Jackson est le président préféré de Donald Trump, Mylène Desautels. Qu'est-ce que ça nous dit sur les deux hommes? De quelle manière, au fond, ces deux présidents se ressemblent? C'est sûr qu'ils ne sont pas parfaitement semblables. Hein? Leur origine, par exemple, Donald Trump est parti dans la vie beaucoup plus riche que Andrew Jackson. On le verra plus tard. Mais il y a beaucoup de liens qu'on peut faire entre leurs deux présidents. C'est Donald Trump joue beaucoup là-dessus. Il a posé le portrait d'Andrew Jackson à la Maison-Blanche. Andrew Jackson est sur les billets de 20 $. Il devait être retiré. C'était une décision d'Obama. Donald Trump décide de le garder sur les billets. Et leur approche politique, Andrew Jackson est un président bouillant, au caractère on pourrait dire, soupe au lait. Mm-hmm. Et il y a des faits d'armes par exemple, il a abattu un homme en duel, un peu de sang-froid. C'est le premier président qui a une attaque sur sa personne, donc une tentative d'assassinat, les pistolets sans rayes, et lui réagit en tabassant un coup de canne son assaillant. Et Donald Trump aime cette image-là, de quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui a un caractère fort, qui ne prend pas mille détours pour régler les problèmes. Et aussi, toute cette politique de clivage, d'aller chercher les ennemis de la nation, de les cibler et de les identifier comme étant ceux qui les empêchent la nation d'être grande. Ouais. Jackson a beaucoup, beaucoup utilisé ça durant sa présidence et Donald Trump va refaire la même chose sous sa présidence. Ouais. Parlons un petit peu des origines d'Andrew Jackson. Vous le disiez, il y a déjà une première différence avec Donald Trump, c'est qu'il ne part pas sur le même pied. Il est issu d'un milieu plutôt défavorisé. Mais c'est intéressant, ses origines, parce que ça nous en dit beaucoup. Ça explique, en fait, le parcours qu'il aura. Il est élu président en 1828. Et déjà, on peut dire que quand il devient président, Jackson, c'est le premier président américain à ne pas être issu de ce qu'on appelle la classe des planteurs ou l'élite marchande de la Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est déjà une première petite révolution. Exactement, parce qu'il vient d'un milieu très pauvre. Ses parents sont fraîchement immigrés d'Irlande du Nord. On ne sait même pas si c'est Caroline du Sud, Caroline du Nord. Il est vraiment dans l'arrière-pays. Son père meurt très rapidement après son arrivée. Et durant la guerre d'indépendance, en fait, sa famille est décimée. Lui-même a servi tout jeune comme courrier dans l'armée américaine. Il va même être fait prisonnier par les Anglais. Et son mythe commence là parce qu'on dit qu'il a refusé de laver les bottes d'un officier anglais et il a reçu un coup d'épée à la joue et à la main. Il garde une cicatrice de ça. Et ça La haine des Anglais vient de là parce que non seulement il a été prisonnier, battu, mais sa mère meurt et son frère meurt et après la guerre, il est orphelin. Et sa haine des Britanniques, qu'il identifie aussi comme un des ennemis de la jeune nation américaine, vient de cette guerre-là. Ouais. Et donc, il est un peu un self-made man, quelqu'un qui se fait par lui-même, ce qui contraste avec l'élite à Washington qu'on avait depuis les pères fondateurs. Ouais. À partir de quand, dans quel contexte il va commencer en fait à s'intéresser à la politique active? En fait, il va déménager à Nashville, qui est une ville de frontière, dans ce qui va devenir le Tennessee, qui devient un État en 1896. Et il devient d'abord propriétaire d'esclaves, ce qui est un trait qu'il va garder toute sa vie, devient commerçant et aussi devient spéculateur des terres indiennes, qui sont pourtant par traité cédées aux Indiens, mais qui, lui, va racheter, parfois à l'encontre de la loi. Mmh. Et ces traits-là, déjà, nous disent un peu là, ce que va devenir le personnage. Quand le Tennessee devient un État, très rapidement, il occupe différents postes. Il est brillant, il a réussi à se former comme avocat, passe son barreau. Il va devenir donc membre de la Chambre des représentants, sénateur, juge à la Cour suprême du Tennessee et va occuper plusieurs postes comme ça, tout en faisant fortune comme planteur de coton. Et il aura dans sa vie là, jusqu'à 300 esclaves à sa plantation de l'Ermitage, qui est encore aujourd'hui l'endroit où sa tombe se trouve. Donc, homme politique prospère. Il est élu une première fois en 1796 au Tennessee. Mais c'est vraiment comme chef de guerre, comme militaire, qu'Andrew Jackson va se faire connaître des Américains grâce à ses exploits contre les Britanniques dans cette guerre de 1812 qui se termine en 1815. Andrew Jackson devient une sorte de héros national. On January 8, 1815, a huge wave of battle-hardened British troops swept down on Jackson's irregulars. Le 8 janvier 1815, la Grande Armée britannique fonce sur les troupes dirigées par Jackson. Au lieu de s'enfuir, comme ils avaient l'habitude de faire, Jackson et ses hommes tiennent le coup et entrent par le fait même dans l'histoire américaine. Jackson prouve ainsi que les États-Unis peuvent renverser la plus grande puissance militaire au monde. Jackson had proved that America could stand up to the world's greatest military power and win. The victory that he won was almost unbelievable. Cette victoire était incroyable. Les Britanniques ont perdu des centaines d'hommes au cours de cette bataille, alors que Jackson n'en a perdu que 8. C'est renversant, encore aujourd'hui. It was astonishing. It's still astonishing. As news of the victory spread across the country, alors que la nouvelle de la victoire américaine se propage, le pays est frappé par une grande vague de patriotisme. I think the whole character of the American people changed after the War of 1812. Les États-Unis ont changé après la guerre de 1812. Avant, les gens disaient qu'ils étaient New-Yorkais, Virginiens ou qu'ils venaient du Connecticut. Après la bataille de la Nouvelle-Orléans, tout le monde disait « Je suis Américain ». After New Orleans, they said, I am an American. Extrait du documentaire Andrew Jackson, Good, Evil and the Presidency, diffusé à PBS en 2008. Mylène Desautels, quelle importance auront ces victoires militaires d'Andrew Jackson, dont on parlait dans le documentaire dont on vient d'entendre un extrait? Quelle importance ça va avoir dans sa marche vers la présidence? Puis en fait, quels seront ses principaux faits d'armes sur le plan militaire, justement? En fait, ses exploits militaires, c'est ce qui le rend connu. Ouais. C'est pas sa carrière politique au Tennessee. Ça, il est un politicien parmi tant d'autres. Mais ses exploits militaires, il faut penser que la nation américaine est jeune, une certaine insécurité aussi face à l'armée britannique. Hein? Et durant cette guerre-là, 1812-1815, ça va pas très bien pour les Américains. On n'a pas beaucoup de victoires. Et cette bataille de la Nouvelle-Orléans, qui au final n'aura pas changé grand-chose puisque la guerre est finie, hein, c'est 1815, va vraiment redorer le blason des Américains, leur donner confiance. Et Jackson, la façon dont il mène la bataille aussi, avec courage, avec vraiment fougue, va contribuer à son mythe. C'est de cette époque militaire qu'il a son surnom Old Hickory, qu'on pourrait traduire par vieux bois dur. Hein? Donc, une réputation de personnage assez tough, hein, oui, qui n'hésite pas à prendre les moyens pour arriver à ses fins. Des moyens qui peuvent être violents, mais qu'il assume complètement. Et ce mythe-là qui accompagne Jackson va augmenter sa popularité, ne va pas du tout l'unir. Et en plus de cet exploit militaire à la Nouvelle-Orléans, Jackson a plusieurs postes pour patrouiller la frontière. Et déjà, il y a cette idée hein, d'étendre les États-Unis. Il va faire des incursions plus ou moins illégales en Floride espagnole contre les Séminoles, donc une des tribus amérindiennes, pour aller donc faire des incursions illégales et vraiment s'attaquer à ces tribus-là. Et c'est dans ce contexte-là aussi que chaque incident où une famille blanche de la frontière a un accrochage ou est attaquée par des Amérindiens ou des esclaves en fuite est grossi. Ouais. Et toute cette mentalité d'assiégé et d'homme courageux militaire qui doit défendre cette jeune nation vient de cette période-là. Et cette incursion illégale en Floride, au fond, il va en sortir gagnant parce que ça contribue à sa légende sur le plan militaire, puis l'Espagne va signer finalement, va vendre la Floride aux États-Unis. 2-3 ans après, la Floride fait dorénavant partie des États-Unis. Ouais. Revenons sur le chemin politique d'Andrew Jackson vers la présidence. Ça se fait en deux temps. Il se présente comme candidat à la présidence des États-Unis pour une première fois à l'élection présidentielle de 1824. Comment se retrouve-t-il d'abord candidat dans cette élection présidentielle, puis comment se déroule cette campagne-là, celle de 1824 pour lui? Donc, il décide de se présenter en 1824, un drôle de moment où les partis politiques qui naissaient là, dans la jeune République américaine se défont. Les 5 candidats sont au fond du même parti politique là, dans la lignée de Jefferson. Et il n'y aura aucun des candidats qui va obtenir une majorité absolue. Et donc, Jackson est quand même celui qui obtient à la fois le plus de votes populaires et le plus des votes du collège électoral. Mais comme il n'a pas la majorité absolue, c'est à ce moment-là la Chambre des représentants qui doit trancher. Et la Chambre va trancher en faveur, non pas de Jackson, mais de John Quincy Adams. Adams, qui vient de cette élite politique du Nord. Et Jackson, évidemment, est furieux. Il s'est fait voler la présidence dans son esprit. Et son populisme vient de là aussi. Les élites hein, qui ont volé la présidence en 1824 versus le personnage qui représente la population américaine, the common people, le petit peuple américain. Et ça, il va s'en nourrir, ce qui fait que 4 ans plus tard, en 1828, il va se reprendre et sa campagne... C'est une campagne qui va être très sale, très dure, mais il va jouer de cette carte populiste Jackson en 1828. Tout à fait. Entre le camp de John Quincy Adams et Andrew Jackson, parce que les deux, personnellement, ne s'attaquent pas, ne participent pas, c'est la coutume. Les candidats ne font pas vraiment campagne, c'est leurs supporters qui le font. Et dans cette campagne-là, c'est un peu là qu'on a la naissance du Parti démocrate qui va défendre la candidature de Jackson. Et Jackson lui-même se fait accuser vraiment de manière assez raide hein, d'être mulâtre, premièrement, ce qui est extrêmement grave aux États-Unis dans le contexte où l'esclavage devient de plus en plus important. Il se fait accuser d'être même cannibale et sa femme, Rachel, se fait accuser d'être bigame parce que quand ils se sont mariés, le divorce de sa femme n'était pas tout à fait signé. Et Jackson, évidemment, va être en colère contre ces attaques-là. Pourtant, son camp en fait aussi contre l'autre camp. Et il va même accuser le camp de John Quincy Adams d'être responsable de la mort de sa femme qui meurt 3 semaines après l'élection. Ouais. Donc, c'est vraiment un moment très, très tendu dans la politique américaine. Mais cette fois-là, quand même, il réussit à gagner cette élection. Il devient président. Et son élection, on parlait de Donald Trump au début de l'émission. Là encore, il y a un parallèle. Quand il arrive à Washington, la bonne société, l'élite politique, l'establishment de la capitale américaine est outrée. Là. Il vient de se passer quelque chose. Il y a un changement de garde à Washington. Tout à fait. Il invite en fait ses supporters qui sont bruyants, qui l'aiment, qui ont fait le voyage et il aime profondément Andrew Jackson au banquet de la Maison-Blanche. Et là, des scènes sont racontées où les gens sont sur les divans, mangent tout croche. Et là, l'élite à Washington est complètement choquée de ce changement de garde. Évidemment, où le common people, encore une fois, le petit peuple, hein, a sa place à la Maison-Blanche. Ouais. Et il va, donc élu sur cette vague populiste, il va aussi, à certains égards, je pense aux banquiers de la côte Est, son veto présidentiel, il va avoir une présidence aussi dans ses politiques très, très populistes. Et puis, il y aura des côtés très, très sombres. On y revient à sa présidence, c'était évoqué au tout début de l'émission, la question raciale, dont on parlera dans un instant, puis la question amérindienne aux États-Unis. On écoute à ce sujet un extrait du documentaire Andrew Jackson, diffusé à la chaîne History en 2007. Jackson was not the first president to favor Indian removal. Andrew Jackson n'était pas le premier président à être en faveur d'un déplacement des Autochtones. Jefferson, Madison, Monroe et Adams ont tous essayé de le faire sans cependant utiliser la force. Jackson, quant à lui, semblait avoir des motivations personnelles pour aller jusqu'au bout. Intensely personal motivations. Andrew Jackson hated Indians. Andrew Jackson haïssait depuis longtemps les Autochtones. Il a utilisé cette haine pour faire avancer sa carrière politique et pour devenir éventuellement président. And to eventually become president because of it. Faced with overwhelming force if they resisted. Menacé d'immenses représailles en cas de résistance, les nations autochtones commencent leur voyage vers l'Ouest. Entre 1830 et 1840, 80 000 Autochtones ont dû déménager de force et 10 000 d'entre eux en sont morts dans ce qu'on appelle aujourd'hui la piste des larmes. And 10,000 would die in what collectively became known as the Trail of Tears. Les Autochtones, les Amérindiens vont être l'une des cibles de prédilection d'Andrew Jackson, Mylène Desautels. Quel sort leur réservera-t-il? Dès qu'il arrive à sa présidence, il en fait un but essentiel de sa présidence de enlever les Amérindiens des terres de l'Est. Et c'est vraiment dans un but d'étendre l'Amérique blanche vers l'Ouest. Et ça va être traduit ça par le Indian Removal Act de 1830, qui fait en sorte que toutes les nations, même dites civilisées, qui étaient assez intégrées au mode de vie américain, vont devoir se déplacer à l'ouest du Mississippi. On parle de 5 nations, dont les Cherokee, les Creeks, donc des nations anciennes qui ont été même parfois alliées des Américains, notamment notamment durant la guerre 1812. Et c'est ce qui va donner lieu à ce qu'on appelle la piste des larmes. Ouais. Cette longue marche de déportation qui va durer en tout pour toutes ces nations-là 10 ans, mais qui est surtout associée à une des dernières déportations, celle des Cherokees, où sur 17 000 Cherokees qui vont marcher pendant 3 mois, 4 000 vont mourir. Donc, c'est un taux de mortalité extrêmement élevé. Et on va donc rappeler dans l'histoire américaine ce fait-là par cette expression « la piste des larmes », où ils sont vraiment exposés à la neige, la pluie, le froid et aucune aide pour les aider. Et qui meurent d'épuisement, ni plus ni moins. Autre grande zone d'ombre, c'est évidemment la question raciale. Il est ouvertement raciste, Jackson. Il croit à ce système de l'esclavagisme. Il a lui-même une centaine d'esclaves à son service. Avec nos yeux d'aujourd'hui, on dirait non seulement c'est un raciste, mais c'est un suprémaciste blanc, non? Effectivement, puis même pour les standards de l'époque, oui. Jackson est considéré comme quelqu'un qui est raciste. Et l'esclavage, pour les pères fondateurs, avait toujours été considéré comme un mal nécessaire. Pour Jackson, il devient même une partie de l'identité américaine. Les Noirs ne sont pas donc seulement en dehors de la nation américaine, mais contribuent donc à la grandeur de la nation américaine. Et c'est vraiment un ardent défenseur de l'esclavage. Et cet Indian Removal Act, il est là pour permettre aussi l'extraction de la culture du coton dans le Deep South. Hein? C'est vraiment l'ère des Cotton Kings. Et Jackson, il est là pour faire cette promotion-là. Et c'est pourquoi on l'identifie souvent comme un peu pas le créateur de la suprématie blanche, mais celui qui donne vraiment la voie ouverte à cette idéologie-là. Beaucoup plus que chez les pères fondateurs qui considérait pas, malgré tout, l'esclavage comme une bonne chose. Hein? Donc, vraiment, il y a un changement qui se fait à partir de Jackson dans les années 1820-1830. Bouclons la boucle. On parlait un petit peu au début de l'émission de l'image qu'on a gardée de ce président-là, un président qui divise énormément aujourd'hui encore. On l'aime ou on le déteste. Ils en sont où, les Américains? Les historiens américains, par exemple, ils en sont où par rapport à cette figure d'Andrew Jackson et à la présidence d'Andrew Jackson? En fait, vraiment, on considère à la fois son traitement des Amérindiens et le traitement des Noirs et de l'esclavage comme central dans sa présidence. C'est pas du tout un détail, c'est vraiment quelque chose qui définit le personnage. Et encore aujourd'hui, c'est très difficile aux États-Unis de parler de Jackson sans polariser. Mm-hmm. Sa tombe a été vandalisée en avril 2017, ce qui est quand même assez exceptionnel. Les mots « killer » étaient peints sur sa tombe. Et en même temps, à chaque fois qu'on écrit dans les journaux pour rectifier, les historiens vont écrire pour rectifier un peu des faits de sa présidence, ça suscite vraiment une réaction là, vive des défenseurs de Jackson, qui sont aussi souvent les supporters de Trump. Il y a vraiment un lien qu'on peut faire entre les deux, entre ces deux mouvements-là qui sont très présents. Et donc, ça reste un président polarisant. Il l'a été de son vivant, il l'est encore aujourd'hui. Merci en tout cas, Mylène Desautels, de nous l'avoir si bien présenté. Mylène Desautels, professeure d'histoire au Collège Lionel Groulx, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.